D'après le même journal, le Conseil de mesures pour le problème des volontaires a organisé le 14 un rassemblement devant l'ambassade du Japon à Séoul pour la solution du problème d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise.